Chapitre 19e. Le colonel avait une importante question à décider avec Soriol, qu'il n'avait point encore osé aborder. C'était celle de la direction de l'ambulance en son absence. Soriol, en effet, se considérait, de la meilleure foi du monde, comme le maître de la maison. Il croyait avoir tout fait, et c'était avec une entière conviction, naïvement, sans aucune forfanterie, qu'il lui arrivait souvent de dire « Voici un arrangement qui m'a coûté fort cher, mais aussi je prétends qu'il est parfait. En pareille circonstance, fallait-il faire des économies? Non, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai pensé. Certainement, je suis pour les économies, mais encore faut-il qu'elles soient bonnes. » Comment dire à un homme, aussi pleinement convaincu de l'importance de son rôle, qu'il allait avoir quelqu'un au-dessous de lui dans cette maison devenue la sienne? Et qui serait ce quelqu'un? Une petite fille de 20 ans, sa nièce, qu'il traitait toujours en enfant, son élève. Heureusement, le colonel commençait à bien connaître l'oncle de Thérèse et à savoir par quel côté il fallait prendre ce caractère. « Est-ce que vraiment vous partirez demain ?» demanda Soriol en suivant le colonel dans son cabinet de travail. « Mais sans doute. Permettez-moi de vous dire que je trouve cela excessif. » « Quel raisonnement avez-vous fait pour me garder ici quand je voulais, comme Antoine, comme vous, comme Michel, aller aux avant-postes ? Quel raisonnement ? Oui, quel raisonnement ? Vous m'avez représenté, n'est-ce pas, que je pouvais rendre ici plus de service que là-bas, et je me suis laissé convaincre par cet argument dont je reconnaissais la justesse. Et cependant, j'avais un extrême désir d'aller aux avant-postes et de voir les Allemands de près. C'est dans ce but que j'avais acheté ce revolver. » Il sortit de la poche de son habit son revolver qu'il portait constamment sur lui. « Qu'ai-je fait ? J'ai sacrifié mon désir personnel à l'intérêt général. Eh bien, en ce moment, laissez-moi vous dire, avec ma sincérité brutale, au risque de vous blesser, que vous sacrifiez l'intérêt général à des convenances particulières. Vous croyez ? C'est évident. C'est un fait physiologique qui se passe en vous et qui est facile à reconnaître dans ses causes et dans ses effets, pour qui s'est observé. Et j'ai, vous le savez, cette prétention. On ne trompe pas un esprit rompu aux méthodes philosophiques. Voulez-vous que je vous dise votre cas ? Il est des plus simples. Vous ne vous fâcherez point, n'est-ce pas ? Vous savez bien que je ne me fâche jamais. Eh bien, voici ce qui se passe en vous. Vous sentez comme moi la nécessité de votre présence ici. Cela, vous ne le contestez pas, n'est-il pas vrai ? Je vous ai bien observé. Et je vous citerai 20 faits, 100 faits, qui prouverait l'évidence de ce que j'avance, si vous souleviez la plus légère contradiction. En soulevez-vous une ? Non. Bien. Alors le fait m'est concédé. Je m'établis donc dessus victorieusement. Vous avez besoin ici, vous le reconnaissez, vous l'avouez, et cependant vous partez. Pourquoi ? Parce que j'ai pris un engagement que je dois tenir. Sans doute. Mais ce que je demande, ce n'est pas que vous manquiez à cet engagement. Je ne suis point homme à demander rien de pareil, vous le savez. Je voudrais tout simplement que vous différenciez votre départ, ce qui est bien différent. Notez la distinction, elle est capitale. Vous persistez néanmoins dans votre résolution de départ. Pourquoi ? Vous voyez comment, de déduction en déduction, nous arrivons logiquement à la découverte de la vérité. Vous voulez partir parce que vous avez senti l'odeur de la poudre. Comme un cheval de bataille qui entend la trompette. Vous allez prendre votre rang. Voilà. Voilà la vérité. » Le colonel ne pouvait pas entrer en explication avec Soriol. Il ne répliqua rien. Mais celui-ci n'était pas homme à triompher silencieusement et à ne pas écraser un adversaire qui l'avait terrassé. « Voulez-vous que je vous dise ce que je pense de cela ? » fit-il du ton d'un juge qui rend un arrêt. « Eh bien, c'est qu'en vous, le soldat l'emporte sur le citoyen. » Notez que je ne vous en blâme pas. Je constate le fait, voilà tout. Et même, je reconnais volontiers qu'étant donné votre éducation, et considérant le milieu dans lequel vous avez vécu, cela est logique. Vous avez subi l'influence militaire qui a détruit en vous les principes naturels. Ce qui m'étonne seulement, c'est que cela se produise chez un Américain. C'est là une découverte qui me servira désormais pour juger les mœurs de votre pays. Il ne déplaisait point au colonel de voir Soriol se réjouir de sa découverte. Cette satisfaction, au contraire, avait du bon. Il est toujours plus facile de faire accepter une mauvaise nouvelle par un homme bien disposé que par un mécontent. « Quoi qu'il en soit, dit-il, je pars demain matin, et c'est pour régler ce départ, ou, plus justement, ce qui se passera ici après mon départ, que je vous ai prié de m'accompagner. « Je vous écoute, mon cher Édouard, répondit Soriol, qui n'était pas fâché d'avoir un moment de repos pour savourer son triomphe, et applaudir intérieurement chacun des arguments victorieux dont il venait de faire usage. « Je vous écoute. « Vous savez à quelle pensée j'ai obéi en organisant notre ambulance, dit le colonel, à une pensée d'humanité. Vous avez voulu venir en aide à nos glorieux blessés. J'ai voulu aussi que cette ambulance vulgarisât en France un système que je crois excellent, et en fit abandonner un qui me paraît condamné par les mauvais résultats qu'il a constamment donnés. En un mot, remplacer les hôpitaux permanents par des hôpitaux temporaires, lesquels ont cet immense avantage. Soriol allait attaquer le thème sur lequel il était habitué à exécuter ses variations ordinaires, mais le colonel lui coupa la parole en lui faisant doucement remarquer que ses avantages, il croyait les connaître. « C'est juste, dit Soriol, vous les connaissez parfaitement. Je voudrais maintenant que cette ambulance devint un exemple dans un autre ordre d'idées. Je ne comprends pas. Je vais m'expliquer. Dans quelques jours, nous avons entendu, n'est-il pas vrai, toutes sortes de nouvelles théories sur le rôle de la femme pendant le siège. Il y a des gens qui ont proposé de former des bataillons d'Amazones et qui ont rappelé l'exemple de Beauvais, de Saragosse, de Missolonghi. À Saragosse, les femmes ont eu une occasion de défendre leur ville qu'elles n'auront sans doute pas à Paris. Je ne suis donc pas pour les Amazones. Mais cela n'empêche pas de penser au plus tôt. Cela me fait penser que les femmes peuvent rendre les plus grands services pendant ce siège, et les services égaux à ceux des hommes. Ainsi, pour ne pas m'égarer dans des considérations étrangères à mon sujet, pourquoi ne les emploierait-on pas plus activement dans les hôpitaux, auprès des malades et des blessés? On confie les hôpitaux et les hospices aux hommes. Pourquoi? Est-ce que les hommes s'entendent aux choses du ménage, à l'ordre, à la propreté, à la direction d'une maison? Moins bien que les femmes, assurément. Eh bien, alors pourquoi ne pas remplacer partout où cela peut se faire les hommes par des femmes? Voilà mon idée, celle que je veux appliquer ici. Notez qu'elle n'est pas nouvelle. Et rappelez-vous la mission de Miss Nightingale pendant la guerre de Crimée, organisée et dirigée par elle à Scutari à Balaclava. Afin de frapper les esprits et provoquer l'exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, je voudrais que Thérèse dirigeât notre ambulance. Que pensez-vous de cela? Ne trouvez-vous pas que voilà une idée émancipatrice pour la femme? Mais, bien entendu, Thérèse serait sous votre haute direction. Vous resteriez près d'elle. Seulement, avec le tact qui vous caractérise, vous auriez soin de dissimuler votre influence, de sorte que pour tous, ce serait Thérèse qui serait la maîtresse et la directrice. Thérèse, votre nièce, votre élève. Soriol réfléchit un moment avant de répondre. Cette proposition le prenait à l'improviste et le déroutait. Ce n'était point ce rôle amoindri qu'il croyait avoir à remplir. Mais après un premier mouvement de désappointement, il se laissa séduire et entraîner. Le colonel avait adroitement employé les mots qui pouvaient le toucher. Eh oui, c'était là une idée émancipatrice. Une jeune fille dirigeant une ambulance. Cette jeune fille, sa nièce, son élève. Lui, en réalité, le vrai maître. Mais cachant son autorité avec tact. Tout à coup, il claqua des mains, et se levant dans un mouvement d'enthousiasme irrésistible, « Sublime, magnifique » s'écria-t-il. « Positivement, mon cher, vous êtes un homme original et pratique. Votre idée amènera une révolution dans le monde, c'est moi qui vous le dis. Vous vous souviendrez un jour de ma prophétie. Thérèse est absolument la femme qui nous est nécessaire. C'est mon élève, je vous réponds d'elle. Quant à moi, vous avez bien voulu rendre justice à mon tact. Vous verrez que je ne vous ferai pas mentir. Ainsi, voilà qui est entendu. Je remets mon autorité à Thérèse. Pour tout le monde, vous et moi exceptés, elle est la maîtresse. C'est elle qui commande. C'est elle qui dirige. Seulement, vous restez près d'elle et vous êtes, comment dirais-je, vous êtes sa conscience. En un mot, son génie. Précisément. Cette affaire terminée de cette heureuse façon, le colonel put s'occuper de toutes celles qu'il avait à régler avant son départ. jusqu'à une heure assez avancée dans la nuit, il écrivit des lettres et des instructions. Puis, quand il n'entendit plus de bruit dans l'hôtel et fut certain de n'être pas dérangé, il prit dans son bureau une feuille de papier timbré et dans la bibliothèque un code qu'il ouvrit au chapitre des dispositions testamentaires. Ce n'était pas la première fois qu'il entrait en campagne et jamais il n'avait pensé à faire son testament, mais les conditions n'étaient plus les mêmes. S'il était tué, c'était son oncle qui était son héritier. Puis, quand son oncle mourrait, Anatole et Thérèse hériteraient de leur père. Anatole héritier pour moitié de sa fortune, ah non, mille fois non. Le code est d'une parfaite clarté dans les articles qui règlent les testaments. Mais, par peur de formalités qu'il ne connaissait pas, le colonel n'osa pas faire ce testament comme il l'aurait voulu, avec des legs pour des institutions, des établissements ou des personnes qui, à un titre quelconque, lui étaient chères. Il se contenta de suivre les prescriptions de la loi, mot à mot. L'article 970 dit que le testament doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et qu'il n'est assujetti à aucune autre forme. Il se conforma à ces exigences et il écrivit. Je donne, par ce testament, tout ce que je possède à ma cousine Thérèse Chamberlain. Paris, 16 septembre 1870, Édouard Chamberlain. Cela écrit, il relut le code et son testament. Il lui parut qu'il n'avait rien oublié. Cependant, comme cela était un peu sec, il voulut y joindre une lettre. « Ma chère Thérèse, vous trouverez 6 juin mon testament. Si je suis tué dans cette guerre, ce qui à dire vrai ne me paraît pas probable, mais enfin, ce qui est possible, je vous prie d'accepter ma fortune que, vivant, je vous aurais demandé de partager avec moi en devenant ma femme. Car je vous aime, chère Thérèse, et si je ne vous ai pas avoué mon amour en vous demandant votre main, cela tient à des circonstances que votre père vous expliquera. Aujourd'hui, au moment de m'éloigner, je vais vous donner ma dernière pensée et vous dire que tout le temps que durera mon absence, mon esprit et mon cœur seront avec vous. Si je reviens, ma première parole sera une parole d'amour. Si je ne reviens pas, ma dernière parole aura été une parole d'amour. Je vous aime. Ma vie, désormais, sera dans ces 3 mots, qu'elle soit longue ou qu'elle soit brusquement abrégée. J'aurais voulu, dans mon testament, inscrire quelques legs, mais je m'en remets à vous pour distribuer une part de ma fortune, le quart, si vous le voulez bien, entre les institutions utiles de la France et de mon pays natal. Pour faire cette attribution, vous n'aurez qu'à vous inspirer de mes idées, et tout bien réfléchi, ce m'est une satisfaction de penser qu'elle se fera par votre main. Adieu, chère Thérèse, et encore une fois, la dernière peut-être, recevez l'assurance de la profonde tendresse et de l'amour de votre ami, de votre mari, Édouard Chamberlain. Il mit la lettre et le testament dans une enveloppe qu'il cacheta, puis il se coucha gaiement. Peut-être ne trouva-t-il pas un lit de sitôt. Il fallait profiter de cette dernière nuit, et il en profita. Cependant, il ne fut pas nécessaire de le réveiller. À 6 heures, il était levé, et laissant de côté ses vêtements habituels, il endossait l'uniforme des volontaires, le pantalon en bande rouge, la vareuse et le képi. Ayant décidé lui-même l'équipement, il avait voulu qu'il se rapprochât autant que possible de celui de la garde nationale. Seulement, il avait tenu à ce qu'il fût plus solide et plus confortable. Le drap de l'étoffe était de première qualité, les chemises de flanelle remplaçaient la toile ou le coton, des bottes étaient substituées aux souliers, enfin une ceinture de laine s'enroulait par-dessus la vareuse. Comme il achevait d'enrouler cette ceinture, Horace entra dans sa chambre. Il était vêtu, comme son maître, du pantalon à bandes rouges et de la vareuse. Le colonel le regarda un moment étonné. « Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce costume ?»« C'est celui du bataillon. »« Où l'as-tu ?»« Je l'ai commandé et payé de mon argent. »« Et pourquoi faire ?»« Voyons, mon colonel, ce n'est pas possible, n'est-ce pas, ce que vous m'avez dit. »« Vous n'allez pas me laisser ici quand vous partez. »« Qu'est-ce que j'ai été demandé ?»« Je sais bien, et je vous avais promis. » « Je ne peux pas, non, je ne peux pas vous laisser partir. Qui est-ce qui a été près de vous dans vos campagnes ?»« Horace. Et vous voulez maintenant qu'il vous abandonne ?»« Non, vous ne ferez pas cela. » Si Horace riait facilement, il pleurait de même. Ses yeux s'étaient emplis de larmes et toute sa physionomie portait l'empreinte d'un violent chagrin. « Veux-tu m'être utile ?» demanda le colonel. « Veux-tu chercher ta propre satisfaction ou la mienne ? La vôtre ? Eh bien, il faut que tu restes ici. Je te confie la garde de ma cousine. Tu veilleras sur elle et tu ne la quitteras pas. Songe qu'elle va, elle, jeune fille, vivre au milieu de soldats. Tu dois être sans cesse à ses côtés. Tu me comprends ? Ce n'est pas un ordre que je te donne, c'est un service que je te demande. Me le refuseras-tu ? Et si vous êtes blessé, veux-tu bien ne pas dire de bêtises comme cela ? D'ailleurs, si je suis blessé, je me ferai apporter ici et tu me soigneras. Quitte cet uniforme. » Il fallut bien qu'Horace se résignât. Quand le colonel descendit dans la salle à manger, il trouva Thérèse qui l'attendait. Elle avait fait servir un déjeuner froid. « Vous avez déjà commencé à remplir vos devoirs de maîtresse de maison, je vous remercie. J'allais vous faire prier de descendre. Je suis heureux de vous trouver ici car j'ai ceci à vous remettre. » Disant cela, il remit l'enveloppe qu'il avait préparée dans la nuit. Et comme elle le regardait, se demandant ce qu'elle devait faire de cette enveloppe, « Serrez cela avec soin, » dit-il, « il y a là-dedans des papiers importants que je vous confie. Si, mon Dieu, il faut tout prévoir. Si je ne revenais pas, vous ouvririez cette enveloppe et vous liriez ces papiers. Seulement, ne les lisez pas avant, je vous prie. » Puis, comme il la voyait tremblante d'émotion, « C'est la recommandation de Barbe Bleue partant en voyage, » dit-il avec un sourire. À ce moment, Antoine, Sorieul et Denisot entrèrent dans la salle à manger. Antoine, lui aussi, avait revêtu son uniforme. On se mit à table, mais le colonel remarqua que Thérèse ne mangeait point. Pour lui, il déjeuna joyeusement et de bon appétit, ne prêtant qu'une oreille distraite au discours que Sorieul lui adressait sur l'hygiène du soldat en campagne. Le moment du départ était arrivé. « Mon brave Denisot, » dit le colonel en donnant une poignée de main au manchot, « j'ai un service à vous demander. C'est de nous servir de courrier. Vous avez eu de bonnes jambes, quoique boitant un peu. Un peu, excusez du peu. Enfin, vous marchez bien. Voudrez-vous, toutes les fois que cela sera possible, m'apporter une note que ma cousine m'enverra sur notre ambulance, vous lui rapporterez ma réponse. C'est entendu, comptez sur moi. Au moins j'aurai le plaisir de vous voir. » Pendant que le colonel adressait cette demande à Denisot, Antoine embrassait sa fille qui se tenait auprès de la porte. Le colonel, ayant bouclé son sac et passé la bretelle de son fusil sur son épaule, était arrivé devant Thérèse. Elle lui tendit la main, mais il ne la prit point. « Comment ? Vous allez laisser partir votre cousin sans l'embrasser ?» Un flot de sang empourpra son visage. Elle fit cependant un effort pour ne pas détourner la tête, essayant de tenir les yeux levés sur les siens. Mais son regard était agité par une étrange mobilité. Il se pencha vers elle. Alors vivement, elle l'embrassa au front et recula de deux pas, sans doute pour qu'il ne pût pas lui rendre ce baiser. Mais en eut-il eu le désir qu'il en eût été empêché par Sorieul qui lui avait pris le bras. « Ceux qu'il faudrait applaudir, disait-il, ce sont ceux qui restent. Je vous envie, vous qui allez faire l'histoire. » « En route, mon oncle, » dit le colonel. Puis, cherchant une dernière fois le regard de Thérèse, « Au revoir, ma cousine. Je ne dis pas bientôt, mais au revoir. » Une heure après, ils arrivaient place de la Bastille, et de loin, ils voyaient quelques hommes de leur bataillon qui étaient déjà rassemblés. À ce moment, Antoine fut arrêté par un de ses amis, et le colonel, continuant son chemin, arriva auprès de ses nouveaux camarades. Comme il ne les connaissait point, il s'adossa contre un arbre. Il était là depuis quelques minutes lorsqu'un sergent s'approcha de lui. « Qu'est-ce que vous faites là ? » demanda le sergent. « Vous voyez, j'attends. Tâchez donc de prendre une autre tenue. Vous n'êtes pas encore parti et vous vous appuyez contre cet arbre comme si vous étiez éreinté. » Il se redressa et portant la main à son képi en faisant le salut militaire. « Oui, mon sergent, » dit-il.